Il y a des lunes et quelques marées, vivaient dans le fond des eaux salées. Deux bandes de jolis poissons, séparés par un filet de cordon. Leur territoire était bien délimité, les X pataugeaient de leur côté, les O flottinaient de l'autre. Pas question de se mélanger aux autres. Nous sommes les X, nous sommes les X, nous sommes complices, les X. Nous sommes les O, nous sommes les O, nous sommes du même troupeau, les O. Nous sommes les X, nous sommes les X, nous sommes complices, les X. Nous sommes les O, nous sommes les O, nous sommes du même troupeau, les O. Les X et les O commençaient à s'ennuyer. On aurait pu entendre un poisson-mouche nager. Que faire pour meubler les temps longs? Il n'y avait pas grand-chose à faire au fond. Un jour, un X eut la brillante idée de s'installer dans le décor du filet bien natté. Un O veut se placer au-dessus de sa tête. Depuis chez les O, X, c'est la fête. Nous sommes les X, nous sommes les O, nous jouons au tic-tac, au tic-tac. Nous sommes les X, nous sommes les O, nous jouons au tic-tac, au tic-tac. Nous sommes les X, nous sommes les O, nous jouons au tic-tac, au tic-tac. Nous sommes les O, tic-tac-to. Chez les O, X, le filet est tombé.